Bonsoir, je me présente, je suis Michel Lassette et je suis policier et homme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, je suis éducateur physique. Bonsoir, je suis Jacques Lapointe, homme d'affaires. Et tu vas approcher ton micro. Bienvenue à cette conférence. Le sujet aujourd'hui, c'est « D'où venons-nous? » Alors, Daniel, d'où venons-nous? Une question qui me préoccupe. Moi, j'arrive de chez moi. Est-ce que tu sais d'où on vient? On va mettre ton micro près de ta bouche. À moins que tu n'aies rien à dire. Au moins, 4 pouces. Avant de... Oui, je sais d'où on vient. C'est parce qu'avant de savoir d'où on vient, moi, ce qui me préoccupe le plus... Où on va? J'aimerais régler avant, donc, pourquoi on est là, c'est à quoi ça sert. Toi ou bien non les autres? Ben, c'est pour moi en premier. Toi, tu diriges la circulation. Je parle pas dans ta vie de policier, là. Je parle au niveau d'absolu. La question, elle est... Pas moi, mais nous. Et ça, la question peut la fragmenter énormément. C'est une question qui n'intéresse pas l'humanité depuis longtemps. L'humanité se disait, bon, d'où je viens, c'est Dieu qui te créa, parfait, tant mieux. Certains personnages, à un moment donné, ont dit, oui, mais Dieu, il vient d'où, lui? Alors, ça crée des dissonances cognitives majeures au niveau des prêtres, et les prêtres ont inventé une réponse extraordinaire. Dieu a toujours été là. Et là, à un moment donné, il y a des philosophes qui ont inventé une contre-réponse extraordinaire. Ben, si Dieu a toujours été là, pourquoi nous, on n'a pas toujours été là aussi? Et là, les théologiens ont dit, ben non, nous autres, on est des hommes, on est des larves, on est des créatures, on est des rampants, on n'a jamais été là tout le temps. Dieu a été là tout le temps. Bon. Si Dieu a été là tout le temps, vont dire les astrophysiciens, mais le temps est une illusion. Si Dieu était là tout le temps, c'est que Dieu a eu un commencement, parce que le temps a eu un commencement, voilà 4 milliards 600 millions d'années des punaises. Ah, non! Et puis, Dieu a créé l'univers. Puis là, on se rend compte avec les télescopes de plus en plus intéressants qu'il y a plus qu'un univers, puis qu'il y a des créations. Il n'y en a pas une, il y a plusieurs, il y a eu plusieurs créations. Puis qu'il y a probablement, moi je sais, mais les autres ils disent qu'il y a probablement des créations présentement, actuellement en train de se faire, à l'extérieur de notre continuum. Ça fait un paquet de dieux. Et à un moment donné, bien, on a finalisé la réponse humaine, c'est « les voies de Dieu sont impénétrables ». Ça veut dire « ça va te coucher, puis ferme-la ». Bon. Alors, le 2, « d'où venons-nous » peut être fragmenté. 1, « d'où viens-tu toi » As-tu suivi le même chemin que la majorité des êtres humains? Tu as un message à dire. Tu es un directeur de circulation. Et l'autre fragmentation, ça va être d'où tu viens toi, mais d'où on vient nous. Après ça, on peut poser la question, comme plusieurs ésotéristes l'ont posé, est-ce que la race noire, la race jaune, la race rouge, la race blanche viennent de 4 endroits différents? Est-ce que... Ben, tu sais, oui, tu as quelque chose à dire? Ah, c'est réglé. C'est réglé, parfait. Donc, ça c'est réglé. Hein? Moi, j'ai eu un message comme ça, c'était le propriétaire de l'automobile dont la plaque d'immatriculation, c'est FG17273, les phares sont éteints. Voilà. Puis, il y a quelqu'un qui s'est levé. Mais avant qu'on arrive dans l'espace-temps actuel, on existait? Bon, avant, non, on n'existait pas. Et le gros problème de la conférence de ce soir, c'est que la majorité des mots humains sont incapables d'exprimer ce que c'est. Bon, avant l'existence de l'espace-temps, est-ce qu'on existait? Mais avant l'espace-temps, on n'existait pas parce que pour exister, il faut de l'espace et il faut avoir le temps d'exister dans l'espace, donc il faut du temps. Une dissonance. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que avant la création de l'univers, l'être n'existait pas. Et Dieu n'existait pas non plus. Bon. Dans la théologie, on dit Dieu créa le ciel et la terre. On ne dit jamais Dieu créa l'univers. Dans la théologie catholique. Si on se réfère à l'Inde, là, on verra à un moment donné qu'à l'origine, il y avait un grand chaos. Et du chaos est apparu ce qu'eux appellent l'harmonie, c'est-à-dire la destruction sans arrêt d'étoiles, de planètes. C'est l'harmonie, la destruction des animaux, ça pousse, ça meurt, ça naît, ça meurt. C'est l'harmonie pour l'humain, ça. Les divinités apparaissent uniquement lorsque l'homme est capable de concevoir dans son âme, dans sa psychologie, ce que c'est qu'une divinité. C'est-à-dire qu'à l'instant où l'homme va être capable de concevoir psychologiquement de la médiocratie, médiocratie c'est le fait d'être médiocre, c'est au pouvoir, c'est ce qui gère l'humain, à l'instant où l'homme est capable de se concevoir petit, minable et médiocre, les dieux commencent à naître. Ce sont des dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Donc, ce sera des dieux colériques dans les peuples colériques, des dieux pacifiques chez les peuples pacifiques, des dieux qui pardonnent chez les peuples qui pardonnent, des dieux qui ont des armées chez les peuples royaux, et etc. Bon. Maintenant, c'est évident qu'à travers l'évolution psychothéologique de l'homme, va apparaître des êtres humains qui vont renier, qui vont rejeter les visions théologiques, les visions émotives théologiques de leur création, de la cosmogonie, du moins de la planétogonie, en l'occurrence la Terre, et eux vont commencer à concevoir autre chose. Par exemple, on a probablement été engendré par des visiteurs extraterrestres. Mais chez l'être humain qui recherche une réponse claire à la question d'où venons-nous, ben, c'est pas long que la question, bon, que les extraterrestres nous ont créés, parfait, parfait. D'où est-ce qu'ils viennent, eux autres? Mais on lâche pas. C'était ma question. Bon, pose-la. Avant qu'on soit ici, ils nous ont créés. Mais là, eux autres, ils ont été créés eux aussi. Et c'est pourquoi, qu'à un moment donné, le théologien ou l'émotif ou celui qui n'est pas capable de supporter l'ignorance, parce que le gros problème de l'humain, c'est de ne pas être capable de supporter l'ignorance. Qui a créé un tel? Qui a créé ça? Qui a créé ça? Puis quand on arrive au bout, là, puis qu'on est essoufflé, bien là, on va inventer la réponse, c'est-à-dire qu'on va engendrer de l'ignorance, on va confirmer l'ignorance, et on va dissoudre ce que j'appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que psychologiquement, l'humain n'est pas bâti présentement pour être capable de prendre des décisions, pour être capable de faire des choix. Il en souffre, il se détruit. Alors, quand on en arrive à qui a créé, c'est une question qu'on se pose, eh bien, on va inventer une réponse de façon à cesser de se poser la question. Parce que la question harcèle la psychologie humaine, puis elle le détruit lentement. Alors, on va, à un moment donné, inventer une réponse. Ça va être Dieu, ça va être le cosmos. Ben oui, mais c'est toutes des illusions, ça. Ben oui, absolument. Il n'y a pas de les dieux existent. Bon, les dieux existent, bon, ça, c'est une affaire de régler. Mais ouais. S'ils existent... Est-ce qu'on est les créatures des dieux, c'est une autre question. Non, ça, c'est réglé, c'est non. Mais... C'est d'autres questions comme ça? Vous avez des questions? Mais au-delà de ça, justement, là... Bon, au-delà des dieux, dans le langage ésotérique, on parlera de hiérarchie cosmique. Et dans certaines étymologies, la hiérarchie cosmique se fond un peu avec les hiérarchies divines. Dans d'autres cas, on va bannir les hiérarchies divines puis accepter uniquement les hiérarchies cosmiques. Par exemple, l'ordre des Varondadec, des Melchisedec, des Lalounandec. Bon, il y a un paquet d'ordres de hiérarchie cosmique. L'humain essaie continuellement et sans arrêt de structurer sa présence sur le contexte planétaire. Et le gros danger, c'est que si on tient à tout prix à structurer le contexte planétaire, ou du moins la procession créationnelle, la procédure qui nous a engendré, si on tient à la structurer, on va nécessairement engendrer des dissonances cognitives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura des questions qui resteront sans réponse, et parce que l'humain n'est pas bâti pour rester dans un cul-de-sac apparent, bien, il va engendrer la réponse. Et c'est ce que l'ésotérisme a fait, c'est ce que l'occultisme a fait en occultant les choses, en mystifiant. La mystification, c'est surtout la religion qui va le faire. Et c'est la faute de personne. C'est un besoin humain. Moi, je revenais sur ce que tu disais tantôt, que les humains ont probablement été créés par des extraterrestres j'ai dit Elohim. Que certains disaient ça. Bon, certains disaient ça. Bon, admettons que c'est ça. Moi, je veux faire la différence entre ce qui a été créé, c'est... Si c'est pas ça, on va à peine de continuer. Bon. Ben, admettons quand même que c'est ça. Ah ouais, mais ça vaut pas la peine. Parce que, mais si c'est plus ça, moi, j'ai plus ma question, là. Exact. Donc, mais si c'est pas ça, ça vaut pas la peine d'avoir une question. Ouais, mais c'est parce que ma question veut amener à quelque chose d'autre, que ce soit réel ou pas, ça n'a pas d'importance. Exact. On appelle ça, n'est-ce pas? En tout cas. Mais toute l'humanité s'est construit des sciences, des philosophies à partir d'un processus psychomental comme le tien. C'est pas un reproche, je t'explique. Même si ça mène nulle part, je veux le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose chez moi qui va être combiné. Okay. OK, on oublie ça. Simplement, on a un corps. Mais moi, je veux faire la différence entre ce qui habite le corps et le corps. On peut dire qu'il y a eu une évolution sur la planète. On parlait des races, des différentes provenances. Bon, ça crée des corps. Mais ce qui habite le corps, ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire l'esprit, l'esprit ou l'intelligence, ce qu'on est ou ce qu'on... L'esprit n'habite pas le corps, puis l'intelligence n'habite pas le corps. C'est où? C'est pas dans le corps. Il y a un contact quelque part. Oui. Ah, mais c'est où? Par l'ajusteur de pensée, par l'intermédiaire d'un ajusteur psychologique qu'on appelle le mental, qui entre en contact par une... avec ton corps, par ce que la théologie appelle l'âme. Mais ce que ça fait, c'est que ça ne descend pas dedans, c'est que ça fait monter le corps. Ça fait être capable, le corps, de recevoir... Pas descendre dedans ou monter, puis moi, là, du moins que ça fonctionne. Pas... Mais il y a deux choses quand même, mais nous, on s'identifie souvent à notre corps. Il y a deux choses quand même. Deux, ben lui, il compte pas. Avec trois doigts à l'air. Est-ce qu'il faut qu'on calcule ceux qui sont fermés, peut-être? Non, il compte pas, lui. C'est les deux et les airs. Quatre choses. Donne-moi en trois. OK. Il y a quand même quelque chose. Bon, il y a quand même... Il y a une différence. Il y a une différence. Lui, il y a quand même... Ça, c'est important pour que l'humain comprenne bien. Quand l'humain pose la question, oui, mais il y a quand même... Ça veut dire que, quelle que soit la réalité, si elle n'est pas en conformité avec son « quand même », il ne peut pas voir la réalité. Quelqu'un, par exemple, qui a besoin absolument d'un Dieu pour se supporter émotivement, oui, mais il y a quand même un Dieu qui a créé ça. Les dieux sont tous créés par l'homme. OK, ça je comprends, mais il y a quand même une divinité d'abord. Le mot « quand même » est un mot dangereux. Quand on parle, les conférences que je fais, ce ne sont pas des conférences pour mettre du baume sur le cœur. Il y a une race nouvelle qui doit naître. Il y a énormément de réincarnations de l'avenir qui présentement attendent pour s'incarner à travers des individus de la fin de ce 20e siècle, des individus qui sont jeunes, des individus qui vont muter leur corps du point de vue neuronique endocrinien. On s'en fout qu'ils soient gros, qu'ils soient laids selon les standards. Il y a des individus qui doivent s'éveiller. Et s'éveillant, ils vont attirer, ils vont permettre la réincarnation de structures de l'avenir qui, une fois implantées dans l'âme, va permettre à ces êtres humains-là d'engendrer une fluctuation au niveau du continuum du temps, c'est-à-dire de permettre d'engendrer un avenir, de confirmer un avenir. Je vais en parler dans la prochaine conférence. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on fonctionne avec des « y a quand même », oui, mais n'empêche que, des choses comme ça, si on reste attaché continuellement, même avec une petite corde au niveau de ces structures astrales, donc les structures amiques, si on reste attaché à des phénomènes du passé ou à des explications du passé, même si l'explication est vraie, on devra la néotyper, c'est-à-dire en faire une nouvelle forme, donc détruire l'archétype, la vieille forme, parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup d'obscurantisme attaché aux vieilles formes, et on doit recréer les contextes explicatifs. Tout ce que l'homme va faire dans l'ère à venir pour les êtres humains transportables, les êtres humains qui vont être suffisamment intelligents, et un être humain est intelligent lorsqu'il est capable de supporter du neuf. L'être humain est intellectuel lorsqu'il vit uniquement avec sa mémoire. Pour que l'être humain puisse s'éveiller dans l'intelligence, il doit absolument abandonner les structures du passé. Donc, ça veut dire que je ne dis pas que c'est faux, ce qui a été dit dans le passé, c'est injuste. Des choses qui ne sont pas complètement dites. On devrait normalement les parfaire, les accomplir, dirait le Nazaréen. Bon. Sauf que dans la transition actuelle, c'est un nœud temporel, où il y a une race d'humains qui pourront aller d'un côté qu'on appelle l'apocalypse et qu'on appelle d'autres choses, et il y a une race d'humains qui pourra aller vers un néotype, vers quelque chose de différent. On doit faire attention à son langage et faire attention à l'obligation. Par exemple, Dieu arrive, c'est une femme, puis c'est une négresse. Hein? C'est Dieu. Oui, mais il y a quand même d'autres dieux. Ouah, ben non, les Blancs vont dire, ah oui, mais là, c'est parce qu'il prend cette apparence-là. Il ne veut pas que ce soit un noir. C'est simple, il ne veut pas. Bon, on va aller voir ceux qui sont racistes, qui parlent de l'homme-dieu, etc. Puis, ils parlent de pureté génétique, puis quand tu leur prouves que leur pureté génétique n'existe pas, parce qu'il y a eu des mélanges à travers les milliers d'années antérieures, on rejette. Alors, il faut faire attention avec « il y a quand même » ou ces choses-là. Puis là, c'est pas à toi que je parle. Je parle à l'humain qui veut savoir. Nous savons des choses que nous nous rappelons pas ou que nous savons pas. C'est contradictoire, là, mais... Non, tu sais des choses que tu connais pas. C'est ça. Bon. Que je peux dire. Oui, le savoir est vibratoire. Tu vibres quelque chose, mais l'ego ne peut pas connaître la vibration. Bon. Puis l'ego, tu dois l'instruire avec des mots. Là, c'est ça. Les mots, présentement, je les attends de ta bouche. Taxi. Oui. C'est pas un mot, c'est un son. Si, par exemple. Non, mais c'est parce que quelque part, l'exemple de François, il dit oui, mais il y a quand même. Oui. Moi, ce que je veux là-dedans, c'est que il sait qu'il sait quelque chose, mais il veut l'entendre. Oui. C'est parce que je sais pas comment le, c'est non. Certain qu'il va être d'accord avec. Il va être d'accord ou pas. Il va être d'accord dans la mesure où ça concorde avec le savoir qu'il a. Où ça permet de terrestrifier sa vibration. C'est ça. Ça, on parle à n'importe qui. Ça veut dire quoi, terrestrifier une vibration? Ça veut dire que vous savez quelque chose, ça vibre quelque part, vous n'avez pas les mots. Donc, ça ne vous sert à rien de le savoir. Vous le savez quand même. Puis terrestrifier une vibration, ça veut dire être capable de prendre des mots, donc une forme humaine, qui est le langage, quelle que soit la langue, et être capable de traduire la vibration dans un langage que l'ego va comprendre. Et là, la personne va dire, ah, c'est ça! Bon, c'est ça. Là, on terrestrifie la vibration. La problématique, c'est que on va terrestrifier des vibrations ce soir. Bon. Mais le problème, c'est que l'être humain doit, d'or et déjà maintenant, comprendre que plus ça va aller, plus il voudra s'ouvrir à la réalité, et non pas aux mensonges cosmiques, là, aux atténuateurs. Plus l'être humain voudra s'ouvrir à la réalité de la création, donc de sa présence, puis de la présence de n'importe quel phénomène événementiel, plus l'être humain devra être capable de supporter le fait qu'il va savoir en vibration au niveau de son troisième cerveau, qui est le double éthérique, on pourra en reparler, et que l'humain ne le saura pas au niveau de son ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain s'en va conduire son automobile, puis à un moment donné, l'humain sait qu'il doit freiner à mort. Et si, l'humain n'essaiera pas de comprendre pourquoi il doit freiner à mort, parce qu'il va tuer quelqu'un, s'il essaie de comprendre. L'humain va freiner à mort. S'il ne se passe rien, il ne se passe rien. S'il se passe de quoi, il y a quelqu'un qui arrive en avant, il l'aura pas tué. Et l'humain qui est capable d'être en cognition vibratoire, donc être capable de vibrer un savoir instantané, l'intelligence supramentale, ben, l'humain va être capable d'agir sans rationaliser son contact. Donc, il ne sera pas toujours en train d'essayer de s'expliquer pourquoi il fait quelque chose. Donc, il n'aura plus besoin de se justifier planétairement. Et nécessairement, il ne sera plus capable de se justifier à autrui. Mais c'est la foi, ça. C'est pas de la foi. La foi, c'est celui qui n'a pas le contact vibratoire et qui croit à celui qui l'a. C'est comme quelqu'un qui a la foi, c'est qu'il va jette dans le vide. Oui, non, mais... Celui qui a la foi, il se perd toujours, puis il a besoin de se relire sans arrêt, relire les choses, puis en nourrir sa foi. Celui qui est en contact vibratoire au niveau de l'instantané, cet individu-là n'a pas besoin de ça. Mais quand fait ça, comment? C'est parce que... C'est une confiance aveugle, c'est... Non, l'ego aurait une confiance aveugle dans le phénomène supramental, mais l'être humain, la femme, l'homme, l'enfant, il n'y a pas de confiance. Moi, je n'ai pas la foi dans le fait que je respire, ça me suffit. C'est la même chose. À un moment donné, je rencontre un individu et je sais que cet individu-là a tel problème, puis que si je veux travailler avec lui, il faut que je règle telle affaire. Je n'ai pas la foi, je le sais. Sauf que si tu me dis, par exemple, pourquoi tu lui as donné une pichenote sur l'oreille? Une cheek node sur l'oreille. Mais là, parce qu'il fallait que j'en donne une. Ah oui, mais... Tu as bonne raison. Là, on veut terrestrifier la vibration. Ben, c'est parce que l'individu, ça... Puis là, si je veux t'expliquer, tu as commencé à comprendre ou à m'obstiner. Ah, mais dans ce cas-là, c'est parce que tu le sais, dans le fond. Puis c'est... Non, vibratoirement, je ne sais rien. Je vibre que c'est parfait et je le fais. Mais je ne sais rien. Si on venait à l'intelligence qui m'habite... Ah, oui, on vient de loin. Mettons. Cette intelligence-là est arrivée dans le contexte planétaire. Et puis, mais elle venait de où? Bon. Je savais que ça serait compliqué à vous expliquer ça. Alors, j'ai demandé à ce qu'on me fournisse des papiers. J'ai demandé au gars qui l'a amené s'il pouvait déjà tout noter. Ah, non, il n'a rien noté de ce qu'il va. Peut-être qu'il n'a rien compris. Je vais devoir écrire. On va faire un tour rapide d'où on vient. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ceci. Mais dans le contexte planétaire actuel, c'est tout illusoire. Oui. Mais l'illusion est extrêmement utile. Parce qu'elle permet... Utile à qui? À toi. À tout le monde. À mon ego. À la planète. L'illusion est extraordinairement utile à la planète. Qu'est-ce que c'est de l'illusion? L'illusion, c'est une coloration d'une vérité, c'est un mensonge. Puis la vérité, c'est la coloration de la réalité. Mais l'illusion, c'est exactement comme si je t'envoie, t'es malade. Je dois te donner un médicament. Mais le médicament, si je te le donne comme ça, il va te tuer, t'es trop faible. Alors je le dilue. Puis le diluant, je te donne le médicament. Tu vas le supporter. Mais mon médicament dilué, c'est de l'illusion. Et dans le contexte planétaire, toutes les structures planétaires, en l'occurrence, tout ce qui gère l'astralité humaine, même animale et végétale, est incapable de supporter de la réalité. Donc, c'est dilué. Et la dilution, c'est une dilution de forme. Ça crée de l'illusion. L'illusion est importante. Tu veux dire qu'on n'est pas capable de... C'est de l'illusion, c'est pas de la réalité, même si c'est utilisable. Mais tu veux dire que dans l'état actuel des choses où on n'est pas capable de supporter la réalité. Exact. Mais là, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dire. Là. C'est que moi, je suis prêt à entendre c'est quoi. Est-ce que la réalité est en dehors de l'espace... Est-ce que la réalité est en dehors de l'espace-temps? L'espace-temps n'est même pas une réalité. C'est même pas une réalité. Mais je vais expliquer. Je veux revenir là-dessus parce que... Oui, je suis d'accord. Je vais expliquer des choses pour que tout le monde puisse arriver à la même place. OK. Puis après ça, je dirai. Juste au niveau de l'illusion, c'est important. La lumière voyage à 299 792,5 km à la seconde dans le vide, donc dans l'espace. On va arrondir ça à 300 000 km à la seconde. Bon. 300 000 km à la seconde, c'est rapide, c'est 500 fois Montréal-Chicoutimi en passant par Québec dans une seconde. Alors, c'est évident que c'est rapide. La police, ça ne nous attrape pas. D'ailleurs, bon. Si on considère une étoile qui se trouve à 4,2 années-lumière de notre Terre, ça veut dire que quand l'étoile émet de la lumière, ça prend 4,2 années, on va dire 4 années, avant que la lumière nous parvienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on regarde cette étoile, ça c'est la plus près de notre Soleil, quand on regarde cette étoile-là, ce que l'on voit a existé il y a 4 années. Donc, si l'étoile explose complètement, on ne le saura pas avant 4 ans, parce que l'information lumineuse prend 4 ans pour nous parvenir. Les astronomes, dernièrement, ont envoyé un télescope dans l'orbite, un télescope qui permettrait de voir la création. Eux, ce qu'ils se sont dit, c'est que plus on va être capable de voir loin, plus on va voir dans le passé. Et c'est ce qu'ils veulent voir. Donc, leur télescope est capable de voir, disons, à 15 milliards d'années. En réalité, le télescope est capable de voir à 15 milliards d'années-lumière de distance, et la lumière émise à 15 milliards d'années a pris 15 milliards d'années pour nous parvenir. Donc, ce qu'il voit, c'est donc passé de 15 milliards d'années. Ça, l'astronomie, l'astrophysique le sait, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on regarde le ciel le soir, toutes les étoiles que l'on voit sont des étoiles du passé. Ça veut dire que si on regarde une étoile qu'on la trouve belle, elle existe probablement déjà plus depuis quelques millions ou quelques milliards d'années. Mais nous continuons à la voir. Et si nous sommes perdus sur l'océan et qu'on veut faire le point à partir des étoiles pour savoir où on est, même si ce que l'on voit est un ciel qui a existé il y a des milliards d'années ou des millions d'années, même si ce ciel-là n'existe plus, on est capable de faire le point, de se retrouver. L'illusion est utilisable, mais on doit savoir que c'est une illusion. Pour l'illusion, c'est important. C'est quoi l'utilité de nous mettre dans une illusion continuelle? Ça, c'est une mécanique. C'est qui nous... On va revenir. Ce gros qui. Bon. Bon, Dieu devrait l'appeler qui. Qui est venu? Qui? Oui. Bon. Qui a fait ça? Encore? Encore. Hein? Ça fait des très beaux. Ouais. Actuellement, nous nous trouvons sur une planète en orbite autour d'un soleil. Le soleil autour de laquelle tourne cette planète est un soleil extrêmement petit, c'est un tout petit soleil jaune, c'est un soleil qui a une durée de vie très très limitée de quelques milliards d'années seulement. Et ce soleil est placé dans une galaxie assez banale qui contient quelques milliards d'étoiles, près de 200 milliards. Bon, c'est une galaxie avec une aile, je vais la dessiner un peu plus grande ici parce que mon dessin va prendre de l'ampleur. La galaxie spiralée sur laquelle nous tournons, ressemble un peu à ceci, une espèce de grande soucoupe, et la planète Terre se trouve à peu près ici. Donc, à l'extrémité de la galaxie, dans une des ailerons. Ça fait une vingtaine de fois que notre système solaire tourne au complet, fait une rotation complète dans la galaxie. Cette galaxie se trouve dans un univers. Dans cet univers, il y a des milliards d'autres galaxies. Il y en a de toutes les sortes, il y en a des gigantesques, la nôtre, ce n'est pas une grosse. De toute façon, ça doit faire plaisir à l'humain. L'humain n'a jamais voulu penser qu'il était quelque chose d'important. C'est une affaire, n'est-ce pas? Bon. C'est dans cet univers, ce qui est intéressant de constater, et les astronomes commencent à se rendre compte, ils sont capables de voir l'autre côté de certaines structures, il y a d'autres univers. Les ésotéristes disent qu'il y en a sept. Parce que sept, ça plaît. Mais il n'y en a pas sept, il y en a pas mal plus que sept. Et dans les autres univers, ben, ces univers-là ici sont réunis dans ce que nous appelons un super-univers. Un super-univers contient quelques milliards d'univers. Les univers contiennent quelques milliards de galaxies, les galaxies contiennent quelques milliards d'étoiles, mais les étoiles des soleils contiennent la majorité, aucune planète. Ils ne sont pas assez vieux pour avoir un système planétaire. Quelques soleils ont des systèmes planétaires, évidemment, dont celui-ci. Et ce super-univers, il y en a plusieurs autres à l'extérieur, et c'est ce qui constitue une création. Bon. Alors, c'est évident que si on parle d'où venons-nous, on vient de loin en maudit. Bon. Hein? Surtout si on vient de l'autre bord ici, là. On parlera donc de création, et quand on parle de création, on parle d'un contexte super-universel, dans lequel se tiennent des complexes universels, dans lequel se tiennent des complexes stellaires qu'on appelle des galaxies. Et dans les galaxies, il y a des étoiles. Les étoiles, certaines étoiles ont des systèmes planétaires. Puis dans un des systèmes planétaires, le Soleil entre autres, il y a une planète particulière qui contient un système astral dans le sens du monde astral, avec de l'âme, de l'émotivité, un monde de la mort, un monde de mémoire, un monde de tradition, où il y a un monde mental. Et où il y a une gestion de véhicules matériels, des unités carbone, des êtres humains. Et dans ces unités carbone-là, il y a quelque chose qui a tendance à descendre. Cette chose-là qui a tendance à descendre provient de l'extra-créationnalité, donc ça provient de l'extérieur de la création. Ça a traversé les contextes super-universels, universels, galaxiques, et ça vient s'implanter dans un contexte qu'on appellera la Terre. Est-ce que cette création-là est illusoire? Bon, ça, ce sont des questions que l'humain ne devrait pas poser. J'appelle ça souvent des aberrations phraséologiques. Ce qui vient d'ailleurs, ça vient d'une autre création? Bon, maintenant, on va répondre un peu à la question de Michel Lasserre, en répondant à la tienne. Mm-hmm. Ce qui vient d'ailleurs ne vient pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. OK? D'ailleurs. Bon. D'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Pour être capable de percevoir la création, la constitution cérébrale humaine devra muter. Pour être capable de percevoir un événement dans 13 dimensions différentes. Bon. C'est ce qui nous manque actuellement. Ouais. Ouais. C'est un détail. Mais un corps physique ne permettra jamais ça parce que le corps physique est une créature quadridimensionnelle. Donc, avec une hauteur, une largeur, une épaisseur pour plusieurs, puis un temps. Alors, l'humain est capable de dire, nous sommes présentement à telle altitude, coordonnée, latitude, longitude, altitude, aujourd'hui, le temps. Bon. Est-ce que c'est à cause du fait qu'il est seulement dans quatre dimensions, qu'il ne peut pas être en contact avec la réalité? Ça. Puis, est-ce qu'avec son cerveau, son troisième cerveau, son double éthérique, est-ce qu'il va commencer à pouvoir sortir de cette quadridimensionnalité-là? Avec le troisième cerveau, il peut aller chercher jusqu'à cette dimension. Fait que c'est pas encore... Donc, il restera dans l'illusion. C'est quand même mieux que... Oui, mais l'être humain intelligent sait que l'illusion est utilisable. Mais l'illusion, t'en fais pas une vérité. T'en fais pas une croyance. Mais comment tu t'en sers? Pas exagérer une croyance et en faire une foi. Mais comment tu t'en sers? Parce qu'on parlait d'illusion tantôt. Là, on va être rendu après ça à 7 dimensions sur 13, mais on sait qu'on est dans l'illusion, mais comment on va pouvoir se servir de ça pour arriver à percevoir les 13 dimensions, puis à ce moment-là, être dans la réalité? Les 13 dimensions de ton cerveau présentement, puis le troisième. Oui, je sais. Mais comment on fait pour cheminer? Comment on fait pour se servir de l'illusion dans laquelle on est là, de 4 dimensions, pour arriver à 7? Prochaine conférence, où allons-nous? Mais, non, mais dans ce cas-là, l'illusion, c'est... Il ne faut même pas en parler, c'est la réalité. Bon. De... Parce c'est très que... intéressant. Ça fait partie de la compréhension de l'être humain, le paradoxe supramental. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe? Ça veut dire oui et non. Puis l'être humain qui est capable d'avoir une cognition vibratoire, donc un savoir instantané, est capable de comprendre que c'est oui, que c'est non, puis c'est la réponse humaine qu'on peut donner. Alors, effectivement, l'illusion, c'est la réalité. C'est vrai. Mais tu sais que c'est une illusion. Oui, oui, mais c'est une réalité. Exact. Là, pour quelqu'un qui n'est pas suffisamment rapide pour suivre, qui écoute la cassette de trois fois, plus lentement, bon. On va revenir sur l'illusion. Là, je vais expliquer ceci. Moi, je pars du 20e siècle, je descends. En admettant qu'eux acceptent qu'on puisse voyager à travers le temps, parce qu'ils n'ont pas de conscience encore pour se rendre compte que le temps existe. Ils n'ont pas de monde, ils n'ont pas de demain. Dans leur langage, je n'ai même pas demain, je vais être là-bas. Parce qu'il y a encore des peuples aujourd'hui qui n'ont pas de ils sont instantanés. Ils sont présents. Bon. Et là, ce qui arrive, c'est que je leur explique un peu, ils me demandent si c'est à quoi ressemble ton monde. Mais là, je dis, mon monde, c'est un monde où il y a des villes. Là, t'en fais une jungle. Il y a des tyrannosaures qui viennent passer, là, puis ils courent après un brontosaurus. Et puis là, je leur dis, voyez le petit ramphorhynchus qui vole, là, et qui vole pas tout plat, c'est un espèce de dinosaure volant. Là, je leur dis, on a des gros, gros, plus gros que ça, puis on embarque dedans. Alors, ils vont dire, ah, ils vous mangent. Mais non, ils ne mangent pas. Non, non, non, non, on rentre dedans. Puis, ah, vous les tuez, puis, non, on les tue pas. On s'assoit, on a des gros bancs. Un banc, c'est pas ce que c'est une bûche, je comprends ça. C'est plein de bûches. Et puis, faites-vous un feu. Oui, oui, mais seulement dans quatre, c'est des réacteurs. Hein? Puis là, on met deux personnes à la place là, du cerveau de la bébite, pilote, copilote. On met maintenant trois, quatre avec le radio, etc. Ça s'attend au test. Et puis, ça nous amène partout, autour du monde. Autour du monde. Oh, la Terre est plate, aux quatre coins du monde, on va dire. Qu'ils me comprennent. OK. Bon. Et puis là, je leur explique que la télévision. Télévision, c'est... C'est quoi, télévision? Comment veux-tu qu'on leur explique quoi que ce soit? Tout ce que je peux leur dire, c'est rien. Le langage que je peux... Même mon langage perfectionné d'aujourd'hui n'a aucune valeur pour eux. Puis leur langage, encore moins. OK, bon. Et on fait quoi? Alors, c'est un gros, gros point que l'humain doit comprendre, c'est qu'il y a énormément de questions que vous allez poser, que si je vous réponds, ça ne va rien donner. Oui, mais... Est-ce que je peux essayer de répondre? Je comprends, un instant, oui. Protestation... Si vous êtes des autochtones en question, puis que je commence à vous expliquer qu'on est dans un gros oiseau, qu'on l'a tué, puis qu'on arrive à faire voler quand même, parce qu'on fait battre des ailes, tu sais, là, vous allez pouvoir être capable de me suivre. De me prendre pour un dieu. Vous êtes capable de suivre. Mais tout ce que je vous dis là fait une illusion. Mais tu ne peux pas comprendre rien de mon monde autrement que dans l'illusion. Ce n'est pas parce que tu es niaiseux, refroidi, épais ou stupide. C'est une question de temps, d'énergie, de position. Ah, mais sachant ça... Elle est où, la réalité? La réalité est où? Il n'y en a pas. C'est pas... La réalité, ce n'est pas un phénomène... Ça n'existe pas. On va revenir, on va cheminer jusqu'à maintenant. Puis, la réalité, ça ne peut pas exister parce que la réalité... Parce que tantôt, tu disais que c'est descendu. Le temps est une quantité d'espace, c'est évident. Puis l'espace, c'est une quantité de temps. Donc, et le déplacement fait... Et le déplacement est un calcul mathématique qui tient compte de la distance parcourue dans un laps de temps particulier. Espace et temps. Là, tu auras un déplacement. Hein? L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière qui accélère au carré. C'est une accélération, ça. Vitesse au carré, c'est toujours une vitesse accélérante. Donc, l'énergie est égale à de l'espace, la masse, multipliée par du temps. Albert Einstein avait trouvé ça à l'époque. Si l'énergie est égale à de l'espace-temps, bien le temps, en tout cas, on peut s'amuser longtemps au niveau des calculs de physique. La conclusion fondamentale que l'astrophysique découvre actuellement, c'est que l'espace et le temps n'existent probablement pas. Mais ils n'existent pas. Non. Et là, tu me demandes, à l'extérieur de ce qui existe, est-ce qu'il existe? Non, à l'extérieur des illusions qu'on vit. La réalité ne peut pas exister parce que la réalité prend en compte que le temps et l'espace, c'est faux. Mais ce que tu expliquais tantôt qui est descendu, c'est une illusion, ça aussi? d'illusion, c'est ce que je dis. Je ne peux pas faire autrement pour parler présentement que de parler avec de l'illusion. Mais est-ce qu'il y a une réalité quelque part? Hein, si on sort de notre illusion... Vous parlez de quelque part, il faut un espace-temps. Oui. Même si quelqu'un dirait, oui, mais je ne parle pas quelque part dans... Même quelque part dans ta conscience, il faut un espace-temps. Parce que si je le mets en dehors de la création, c'est quand même quelque part, c'est l'autre bord de la ligne. Non, parce que tu ne peux pas, toi, un être créé présentement, un être créé, être capable, dans un contexte créé, de... Concevoir quelque chose qui n'est pas créé. Concevoir incréationnellement quelque chose. Ça, il faut que lui comprenne. Le gros du principe, par exemple, bon, tu n'as jamais connu ta mère, tu n'as jamais vu de mère ni de père, puis là, il faut que je t'explique que tu es venu au monde d'une mère ou d'un père. Tu n'as jamais rien vu. Moi, j'étais un robot, tu n'as jamais vu d'autres humains. Ils sont morts à ta naissance, puis il y a un loup qui les a élevés, puis qui t'a élevé, là, qui a des choses. Et puis, là, il faut que je t'explique ça. On va retourner aux roses, puis aux choux. Bon. Mais là, Daniel, vas-y. Je comprends que j'aurais rien compris. Okay. Mais présentement... Mais dis-moi le grand-père. Mais présentement, c'est que, à un moment donné, c'était... je ne serais pas capable de le supporter, par exemple. L'humain ne sera pas capable de supporter le savoir parce qu'il va, il va en mourir même. Oui, mais veux-tu que je te donne un exemple de ce que c'est aujourd'hui ne pas être capable de supporter le savoir que je peux amener? Oui. Bon. Il n'y a pas juste moi qui amène du savoir. Hein? Les êtres humains sont reliés, les êtres humains ont des ajusteurs de pensée, certains sont plus ou moins opérationnels, et puis l'être humain a de l'information. À un moment donné, l'humain qui n'est pas capable de supporter le savoir au niveau de son astralité se rend subitement compte que le monde est laid. Bon. Mais ce n'est pas juste te détruire, là. Ah, tu sais, paf, tu meurs ou tu deviens fou. Puis à un moment donné, tu te rends compte que l'humain est manipulé, que la vie est absurde, qu'il manque un paquet d'éléments, mais tu découvres des éléments pour te faire voir ça. Tu découvres que les gens aiment uniquement pour eux. Personne qui aime gratuitement. L'amour, la planète Terre, ça n'existe pas. Bon, là tu découvres que les religions sont basées sur l'amour, tu sais que ça n'existait plus, que ton père, ta femme, ton mari t'aiment uniquement pour lui, et si tu changes le moindrement, il ne t'aime plus de même, il ne marche plus, puis tu te rends compte tout ça, le bénévolat, ben oh oui, ça me rapporte énormément, c'est ça, ils le font pas uniquement, il n'y a pas d'amour. Ce savoir-là amène les gens à la drogue, à la boisson, au suicide, sans compter le paquet de désordres psychologiques ou mentaux, qui peuvent annihiler l'efficacité des individus. Ou encore, la personne lâche son emploi, lâche le divorce, elle ne peut rien savoir, c'est totalement épais. Je viens au monde, je souffre, je grandis, on change les couches, on me pique, on m'envoie à l'école, j'apprends, j'apprends pas, j'arrive adolescent, j'ai plein de boutons, je deviens sexué, je cours après l'autre sexe, si jamais je fais ça, je commence à fumer. Je me trouve un emploi peut-être après, je ramasse de l'argent, j'ai des enfants, à l'adolescence, il me sacre là. Puis là, je continue, puis à un moment donné, ben, je meurs. C'est ça. Là, tu te dis, maintenant que je me rends compte de tout ça à l'âge de 12 ans, je me dis, pas le goût, là, c'est quoi, c'est le temps qui a été fait. Non, mais là, bon, je me rends compte. Je ne peux rien faire de ma vie, m'attendre. Bon, ça, c'est une affaire. Je vois ça. Mais là, après c'est ça. On détruit l'humain avec un savoir si le savoir n'est pas ajusté au corps intérieur, au plan mental, au plan astral. Puisque... Non, mais là, on le sait, ça. On le sait pas. En tout cas. Non, ça traîne dans l'air, mais c'est pas conscientisé. Il faut faire attention avec l'information. Mais c'est, moi, c'est, je, moi c'est ce qui que nous je a mis, dis là... C'est qui nous a mis dans cette situation-là? Qui ou quoi, là? Bon, OK. Deux fois, c'était arrivé, toi, d'être en gros problème à cause du savoir. Mais présentement, c'est ça aussi, là. Ah oui. C'est que moi, je me dis, c'est un crise de coup de cochon de faire, de mettre quelqu'un au monde. Puis pas ça, c'est l'existence. Ouais. T'as pas qu'à te trouver. Ben, si. Là, mais là, ma question... Passer sa vie à essayer de manger pour mourir, passer sa vie à maigrir, parce qu'on a trop mangé, puis mourir de toute façon. Mais là... T'sais, la vie, là, c'est un... C'est mortel. C'est une maladie mortelle. Non, c'est mourant. La vie, c'est mourant. Bon, là... Ah, la vie, c'est mourant. La vie, c'est avant de savoir vivre, mais voyant ça, d'abord. Là... Voyant tout ça, là, je reste vivant malgré ça. Parce que je me... Parce qu'ils veulent pas de toi dans le monde de la mort. Peut-être. Mais c'est pas mon intention d'y aller de toute façon. C'est pour ça que je reste vivant. Finalement, j'ai espoir de... quelque chose que je sais pas, que, bon, que je disais tout à l'heure que je sais, mais que je connais pas, en tout cas, là, c'est un peu complexe. Mais je voudrais bien savoir à quoi ça sert. Au moins, dites-moi donc ça, tu sais, à quoi ça sert? Il y a quelque chose. Oui. Le gros c'est, problème... C'est... Moi, je comprends pas ça. La mécanique, c'est ça, c'est... C'est un des rares. La mécanique qui fait qu'on est ici dans ces illusions-là depuis X années, ben, en temps, là, je sais que c'est tout illusoire. Oui, c'est ça, c'est tout illusoire, de toute façon. Mais oui. La mécanique de ça, là, c'est qui? Bon. On répond aux deux questions. C'est la même. Oui, mais quand même. Fait qu'il va avoir un mot pour toi, un mot pour lui. OK. À quoi ça sert, puis qu'est-ce qui nous a foutu là? Je vais répondre bloc par bloc, parce que si je me mets à faire un discours sur la créationgonie de l'humain, on n'en sortira pas. Ben non, mais pas expliquer les illusions, là. Ouais. Regarde ceci. L'humain, au départ, dans sa prime jeunesse ici, c'est pas la première fois qu'un contexte planétaire comme le nôtre est expérimenté. Bon. L'humain, au départ, il a observé des choses et les a nommées. Et c'est extrêmement important pour l'ego de nommer les choses. Chaise, table, parce que quand il nomme une chose, il la possède. Il peut en parler. Et si je connais ton nom, je te manipule facilement. Puis l'humain en a eu besoin. Et c'est pourquoi les dieux, souvent, ont dit à l'humain, appelle-moi tel nom, j'ai sept noms. Puis il y en a un que l'humain ne saura jamais. Parce que si tu as ce nom-là, ce dieu-là vient ton esclave. Alors, on ne le donnera pas. Alors, l'humain a inventé la nomie. La nomie, c'est le fait qu'il nomme. Alors, on aura astronomie, on aura physionomie, on aura bionomie, etc. Après, l'humain a essayé de comprendre la mécanique qui vibrait entre deux nomies, entre une chaise et une table, entre une étoile et un homme, entre les choses. Et ça, c'est le logos. Le logos veut dire parole. La parole, la communication de la nomie, des mots. C'est important, la parole, beaucoup plus que l'humain peut penser, en termes vibratoires. Le logos va devenir la logie. Alors, on aura astrologie, l'explication des relations énergétiques et vibratoires entre ce qui a été nommé, les astres, par exemple, et l'homme. On aura l'astrologie après l'ennemi. Après, on va avoir la gonie. Bon, ça, il ne faut pas en mourir. La gonie, c'est l'explication d'un microcosme logos avec un autre. Donc, au niveau de cosmogonie, par exemple, tu aurais l'astrogonie, tu aurais la biogonie. Au niveau de la cosmogonie, on va essayer de comprendre la vibration entre Dieu, apparemment, le centre de notre galaxie, et le contexte dans lequel on est. C'est plus vache, plus vaste. Ensuite, on aura la zoophie qui va apparaître, ou on aura l'astrosophie, la cosmosophie. Zoophie est un terme qui désigne sagesse. Mais sagesse est un terme qui désigne savoir. Et le savoir est une mécanique instantanée. Je connais Montréal, mais je ne sais pas Montréal. Je sais que je vis, mais je ne connais pas que je vis. Le savoir est une mécanique, tu n'as pas besoin d'apprendre. La connaissance, faut que tu l'apprennes. L'être humain, présentement, a fait l'anomie. La logie, un peu. Bon. L'agonie, certains. Tout à l'agonie, bon. Et puis, l'asophie, l'humain commence. Ce qu'on doit comprendre présentement, c'est qu'on ne peut pas, humainement, toucher à l'asophie avec l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'être humain a un besoin fondamental de comprendre avec des mots, il ne peut pas autrement faire que de créer de l'illusion puis rester dans l'illusion. Les mots, pour l'humain, doivent servir uniquement à expliquer les contextes planétaires. Les mots doivent servir, ils sont suffisamment purs à ce niveau-là, pour expliquer la matière. Et pas la logique de la matière. Ah, ben, il y a de l'énergie dans la matière qui a créé ceci, puis il y a de l'éther, puis là, on se perd. La matière, les mots humains sont capables d'expliquer le corps vital. Le corps vital, c'est la vie. Pas la vie psychologique, c'est la vie animatrice. C'est la vie des méridiens yin-yang et aminal. C'est la vie des plantes. On est capable de gérer la vie. Les mots humains, on peut parler avec les mots humains du plan vital. Les mots humains sont capables de parler du plan astral. Le plan astral, c'est le plan de l'âme. Ça veut dire l'émotivité, les désirs et la mémoire. La relation entre ces trois-là dans l'astral, dans l'âme, s'appelle la psychologie. Hein? La logie, logos, étude des mécaniques nommées dans la psychose âme. Et l'humain a des mots sur le plan planétaire capables de parler du plan mental. Bon. Quand on prend le langage humain pour expliquer ces quatre plans-là, on est capable de s'extirper de l'illusion planétaire. Le gros problème, c'est que l'humain a un égo et que l'égo est impatient. Puis l'égo est manipulé. On va revenir donc à ce qui nous a foutu là. Mais dis plus Christ, dis Pierre, Satan, quand tu veux. Ah, vous savez ce que c'est, un bon petit diable puis un petit Christ? Ah, c'est l'inverse que je devrais dire. Mental. Lorsque l'être humain veut déborder de ses mécaniques ici et parler du plan de l'intelligence active, une intelligence qui n'a pas besoin de mémoire, donc une intelligence qui n'a pas besoin de connaître des choses pour s'exprimer, qu'on appelle dans l'ancienne théologie l'esprit, l'esprit saint, un esprit pur, non coloré par les mécaniques planétaires humaines, et qu'on appelle beaucoup au Québec, c'est Robildo le premier qui en a parlé, du plan supramental, le plan au-dessus du plan mental. Après le plan supramental qui est l'intelligence active, on a le plan de l'amour gratuit, l'amour instantané, l'intelligence instantanée, et après on a le plan de l'intentionnalité, dans un contexte actuel. On va en parler. Les mots humains sont géniaux pour parler de cela ici. Donc, lorsque je parle en mots humains, je parle de ton astral, des manipulations, des hiérarchies cosmiques au partie du mental de l'astral. Et à l'instant où tu me dis, j'aimerais qu'on parle d'au-delà de ça, il faudra que tu sois télépathe. Sinon, je vais devoir terrestrifier des vibrations, recréer des illusions néotypales. Ça va être utile pour le reste de l'humanité à travers des structures d'éducation. Mais ça ne répondra pas à quelqu'un qui a une vibration ou dans laquelle l'illusion devra être éliminée. Il faudra que la personne prenne patience un peu. D'où on vient? À un moment donné, les voleurs de génétique, qu'on appelle les Elohim. Bon, les Elohim sont venus sur le contexte planétaire, il y a de cela belle lurette, et même un peu avant. Et ils ont implanté des mécaniques génétiques, ils ont tripoté la génétique, etc. Puis ça a engendré un paquet de bébites. Et puis Noé, qui est un Elohim, lui travaillait dans un laboratoire un petit peu avant la destruction de l'Atlantide. Mais les Elohim, là, ils sont assujettis à l'espace-temps. Exact. Les Elohim ont pour fonction missionnée. Savais-tu que l'être humain est un des rares, pas le seul. On va dire le seul, là, mais c'est pas le seul. L'être humain est le seul être qui n'est pas missionné dans la création, même si l'humain fait tout pour avoir une mission dans sa vie. Bon. Les Elohim sont missionnés. Un être missionné, c'est un être qui ne peut pas avoir d'intelligence. Un être missionné, c'est un être programmé. On met une disquette, il prend un programme, puis il part. Les chevaliers ont souvent été missionnés. Tu connais ça, toi? J'ai entendu parler. Ah oui, oui. Alors, ça part à l'aveuglette, et puis ça s'en va mourir pour n'importe quoi, il n'y a pas de problème là. Les chrétiens étaient des êtres missionnés, puis la majorité des humains adorent se missionner. Les Elohim sont des êtres missionnés, donc des êtres avec lesquels on ne peut pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que l'intelligence dans l'homme veut leur communiquer. Alors, ils vont venir, ils vont prendre, ils reviennent actuellement depuis des fois quelques années, depuis une 30-40 ans, et ils prennent la génétique humaine pour la transplanter dans d'autres mondes refroidis. C'est ce qu'ils ont fait pour engendrer la race humaine ici depuis longtemps. Il y a des mécaniques géoviques, il y a des mécaniques donc élohimiques, les Elohim, il y a eu des mécaniques iaviques qui sont venues, des mécaniques arimaniennes, sataniennes, etc. Puis il y a eu tout un lot sur le plan planétaire. Ces mécaniques-là ici ont engendré, ce sont des mécaniques missionnées, donc ce sont des exécuteurs. Un exécuteur fait ce qu'il a à faire, ça finit là. Ça, toi, s'il décide qu'il bûche sur ceux qui voient, il bûche sur ceux qui voient. Tu arrives là-dedans, tu es un de ceux sur qui il ne faut pas bûcher. Il bûche pareil. Tu y expliques, il bûche pareil. Il faudra que tu le contrôles pour qu'il ne bûche plus. C'est un être missionné. Bon. Toutes les hiérarchies qui ont été implantées dans le contexte planétaire depuis le début de cette planète, tout à fait le début, disons, 1,2 milliard après son apparition nébuleuse, sont des mécaniques à caractéristiques missionnées. Ils ne peuvent pas réfléchir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'être humain leur parle et leur explique ses problèmes, ces mécaniques-là ne comprennent pas l'humain. Ils ne peuvent pas comprendre l'humain. Le seul qui peut comprendre l'humain, c'est l'homme. L'homme, la femme, l'enfant. Ça, il peut comprendre l'humain. Je souffre. Souffre. Et ma femme est morte. Ah oui, elle est morte. Elle est morte. On s'est incarné, elle est morte. Oui, mais je souffre. Ben, épais. Alors, t'as dit... ça, ça ne comprend pas ces mécaniques-là. Tantôt, tu parlais de... on pouvait contrôler les mécaniques. On va devoir. On peut, c'est sûr. De quelle façon? En les contrôlant. Explique. Une question à la fois. OK. Une question à la fois. Merci. Une question à la fois. Présentement, il y a une planète bleu-vert. C'est bleu avant. C'est bleu-vert maintenant. Bon. Entouré d'une atmosphère et au fin fond de la ionosphère se termine le monde astral, le monde de la mort, le ciel. Bon. Le monde astral a été extraordinairement astralisé et motivisé à l'époque du comte de Saint-Germain pour empêcher des invasions extraterrestres. Pourquoi? Parce que les mécaniques extraterrestres recherchent des génétiques, des corps, extraordinairement solide, l'homme, la femme et l'enfant planétaire sont premiers à l'affaire, pour pouvoir s'incarner dedans en repoussant ce qui les habite, toi, prendre ton corps, s'en aller avec. Bon. Quand ils descendent dans le monde astral, voyant toutes les atrocités, les horreurs qu'il y a là-dedans, ils se disent que c'est pas sans terre, certains qui existent, qui cherchent, qui repartent. C'est pourquoi la franc-maçonnerie, le prieuré de Sion qui est juif, a aidé au massacre des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi on a toujours eu de l'entretien de ce genre sur le contexte planétaire. Puis c'est des mécaniques Saint-Germain. Bon. On l'appelait Saint-Germain réincarne Lazare. Et c'est pourquoi souvent il y a une farce qui se dit ça, c'est par Lazare que c'est arrivé. Bon. Alors c'est ça. C'est effectivement le Lazare. Bon. L'être humain, là-dessus, l'être humain est un être qui, on va reparler de son rôle, c'est un être qui a la capacité. Quand je parle d'être humain, moi je ne parle pas de biologie, je ne parle pas des unités carbone. Je parle de l'unité biologique et ce qui le contrôle, l'unité biologique. L'unité biologique est engendrée par les Élohins, il y a de cela quelques millions d'années. Dans certains cas, ça a bien réussi le travail génétique, dans d'autres cas, ça a moins bien réussi. Ouais. Mais dans quelques années, il existe une panoplie de chirurgie plastique. Il y avait des syndiqués sur le... Alors, l'être humain, les Élohim ont engendré des génétiques. Ces génétiques-là ont évolué, se sont mélangés avec d'autres mécaniques extraterrestres et ça a progressivement engendré des véhicules animés. Un véhicule animé veut dire un véhicule autonome. Qu'est-ce que veut dire autonome? Autonome veut dire... capable de se nommer lui-même. Et un être autonome est un être capable de parole. Donc, il sera nécessairement hétéronome, c'est-à-dire qu'il pourra nommer les choses autour de lui, nommer les choses, il prend conscience du monde, il se développera une structure de pensée, il se développera une structure théologique, philosophique, mentale et scientifique, donc cartésienne, et progressivement, il va s'engendrer un monde illusoire dans lequel il va être bien lui. Oui, mais c'est... un instant. C'est essentiel, il n'y a pas d'intelligence. Parce qu'ils ont engendré des êtres autonomes, les êtres autonomes sont des unités carbone qui doivent vivre sans conscience, à travers l'histoire humaine, à travers l'historicité planétaire, à travers le temps. Et ce qui meurt quand le corps physique s'en va, l'âme gagne le ciel, le monde de la mort, et ça se réincarne en fonction du corps physique, et ça va se réincarner tout au long de la vie de l'individu, 24 heures sur 24. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces unités carbone-là animées, anima, âme, donc habitées par une âme, qui est uniquement de la mémoire, ces unités carbone-là ont une fonction. Ils n'ont pas une mission, ils ont une fonction, ils servent à quelque chose. Et ils servent uniquement à recevoir une vibration quelque part à travers le temps, qui s'appelle de l'intelligence supramentale, qui s'appelle de l'Esprit Saint, qui s'appelle, bon, notre nom qu'on voudra. Cette intelligence, elle descend à travers des véhicules qui sont une excroissance, qui sont l'ajusteur de pensée. Ça relie le mental de l'âme. Il y a une excroissance qui va apparaître à un moment donné qui portera le nom de Dométhérique. et qui, par la suite, pourra devenir un transport séraphique. On en reparlera un moment donné. Bon. Lorsque l'individu a un mental, il a maintenant la possibilité d'avoir un contact avec le phénomène supramental, donc avec l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que l'être humain est émotif, uniquement astral, l'être humain ne vit que de tradition et l'être humain n'est pas capable d'innover. Innover veut dire aller fouiller dans le neuf. Bon, l'être humain n'est pas capable de néotyper, de changer les formes, de créer du neuf. C'est évident que parce qu'il y a l'usure des corps, parce qu'il y a l'usure de l'expérience humaine, on appelle ça l'oubli, parce qu'il y a l'usure de la matière, ben, l'humain est obligé d'innover un petit peu. Pendant longtemps, les innovateurs, à l'époque où l'humain était uniquement émotif, les innovateurs, on les tuait. Quand l'humain a commencé à développer une structure mentale, sa vision tridimensionnelle anti-moyenâgeuse, le temps, la largeur et la hauteur, est devenue quadridimensionnelle. La profondeur a commencé à apparaître dans les dessins, dans la psychologie, dans les explications cosmogoniques ou scientifiques. Et là, subitement, il y a eu une ouverture majeure vers les sciences. On avait moins peur. Bon. Parce que le mental a commencé à apparaître, le mental, c'est l'intellect. L'intellect grandissant finit par se frustrer de la vie. C'est ce qui arrive à l'humain quand on lui donne l'information, puis il n'est pas prêt. Se frustrant, il change les cordes, changeant les cordes, il engendre le mental. Engendrant le mental, il entre en contact. Bon. D'où vient là? Au niveau des véhicules planétaires, ça vient, bon, on pourra reparler, on pourra pas le temps. Parler de la création même des structures matérielles avec de la descente d'énergie qui crée de l'énergie vitale, avec l'accumulation d'énergie vitale qui finit par se supporter elle-même et s'engendre la matière, avec la descente d'énergie dans la matière, quand la matière est suffisamment gavée, ça va engendrer un autre plan d'énergie vitale. Quand celui-là est plein, ça engendre le plan astral. Quand il est plein, la même énergie engendre le plan mental. On continue comme ça. Pourquoi je dis souvent, si tu veux que Dieu parle à un chien, Dieu va se mettre au niveau du chien, puis Dieu va commencer à aboyer. Fait que les chiens ne comprendront pas plus. Bon. Ça, c'est pourquoi l'homme dit, pour qu'on ne le dise pas clairement. On te le dit clairement, mais dans le langage plus comprendre. L'homme, l'énergie, l'intelligence, la cognition vibratoire, l'esprit descend de plus en plus à travers l'humain. Et depuis 1900, on a commencé vers les années 50, depuis 1967, 69, 79, on a des accélérations, 85, 90, puis à partir de 91, c'est exponentiel la descente de l'intelligence, jusque vers le début, fin 2010, à peu près 2013, où là, il y aura plein de changements qui vont se faire dans l'historicité humaine. On va en reparler à la prochaine conférence. Où allons-nous? Mais tout ça, toute cette intelligence-là, là, moi, j'en reviens encore. Elle vient d'où? Ça va long. Je fais au moins ce qui se passe ici. Oui. Lorsque l'intelligence descend présentement, elle arrive au niveau des corps planétaires, puis elle vient prendre possession des corps planétaires. Prenant possession des corps planétaires, elle doit réinstruire l'homme planétaire, donc l'âme, l'astral, la psychologie, que tout ce qu'il pense qu'il a été, tout ce qu'il pense qu'il est, c'est pas ça. Ça. Puis là, l'humain qui s'accroche. Mais là, ce qui va arriver, c'est que la vie va le bafouer. Tous les humains qui vont s'accrocher à ce que psychologiquement, émotivement, astralement, spirituellement, ils croient, vont vivre l'apocalypse. Quand le Nazaréen disait que ça va venir, comme l'humain s'y en attend pas, fouillez pas dans vos mémoires, puis hein, prophétisez quoi que ce soit, rien, tout ce que l'humain va penser, c'est pas ça. Ça provient du neuf. Bon, alors l'humain qui se prépare ou qui ne se prépare pas, ça n'a rien à changer, ça ne provient pas du passé. Ce qui va arriver. Bon, puis l'apocalypse de l'humain, ça va être beaucoup plus le fait que manquer son coup. Ça va être de reconnaître que c'est une illusion. Bon, ben c'est que l'humain qui va manquer son coup va se réincarner dans le passé. Et non plus dans l'avenir. Fait que t'aimes pas le 17e siècle? Bon, tu vas naître au 17e siècle. Au 15e. Au 13e. Ouais. Tu t'en es dans le passé. Tout le temps. Bon, jusqu'à temps que tu arrives à la même place que nous autres. Au bout de ça. Mais ça, c'est moins intéressant. À quelle place? Parce que vidéo, on va en parler. L'intelligence, donc, elle descend à travers l'humain. Présentement, l'intelligence est en train de créer une fission entre ce que l'humain croit être, entre ce que l'humain a toujours vécu et ce que l'humain est dans la réalité des choses. Pour que l'intelligence descende, il faut que les canaux soient libres. Bon, on peut dire droit, il faut que ça passe. L'être humain qui travaille toujours en fonction, par exemple, du tantrisme, de la relation sexuelle, de toutes les stratégies planétaires du passé pour évoluer, est un être qui n'a pas compris encore. C'est un être qui essaie de prendre des énergies telluriques yin et yang planétaires, les faire monter à travers ces carrefours d'énergie, les chakras, pour réveiller ce qui est déjà réveillé chez tout le monde ici. Maintenant, c'est par en haut que ça doit descendre, donc ça ne procède plus du corps. Si ça ne procède pas du corps, ça veut dire que lorsque l'intelligence descend à travers tes neurones, ça ne fait pas crisper tes intestins, ça ne fait pas vibrer ta colonne vertébrale, physiquement, tu ne le sens pas. Et parce que l'être humain jure que parce qu'il sent biologiquement, parce que historiquement, c'est toujours à travers son corps qu'il a perçu l'évolution, l'ascension, ben l'humain, il fait pas confiance, puis il croit pas. Il se détache du contact supramental. Et là, l'astral, si les mémoires planétaires, ça ramasse biologiquement, ça fait sécréter, tout le monde, moi, je trippe énormément, là, tu y crois. Alors que l'humain doit se lioter puis diriger vers d'autres choses, aller vers quelque chose d'autre. Bon. L'intelligence, lorsqu'elle descend ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient instruire l'homme, que l'homme doit regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est où on va aller. Bon. Les heures passent vite ici, je crois, à cause de minutes et de secondes. La conférence qui suit, on parle d'où on va. Je pourrais te donner une idée un peu plus d'où on vient, mais c'est là où on va. Mais il faudrait aussi savoir comment on peut contrôler ces mécaniques qui nous empêchent. Repose cette question-là. C'est sûr que d'une conférence régulière, je ne peux pas expliquer comme ça. Les conférences, les amis séminaristes, on peut parler plus, parce que les gens connaissent des mots. Mais tu reposeras aussi cette question-là la prochaine fois. OK, on va aller à une pause et on revient après le deuxième sujet.